Podcast. La première. La première, 11h midi le samedi, bientôt à table, avec Sophie Mouns. Bonjour à tous, bienvenue à vous pour cette nouvelle heure gourmande. Bientôt à table, c'est reparti jusqu'à midi au programme de la gourmandise du soleil et quelques flacons qui font du bien au moral. Il nous fait du bien, lui aussi, au moral, tous les samedis. Bonjour Carlo de Pascal. Bonjour Sophie Mouns. Comment ça va ce matin? Ça va, mais je suis un petit peu déçu parce qu'il y avait un dress code apparemment, puisque tant Patrick Fievé qui est avec nous pour le vin que vous, vous êtes habillé en jaune et je n'en savais rien. Cuisine provençale, alors c'est mieux, mais ça va pas du tout. Aujourd'hui fait un peu gris, évidemment c'est le week-end. Mais le dress code, vous me le dites la prochaine fois. Allez, au programme du jour Carlo, on emmène nos amis en Provence. Nous y retrouverons dans quelques minutes Jeanne Bayol, auteure d'un ouvrage fantastique, Cuisine des amis en Provence, je peux vous dire que ça va vous mettre un petit coup de boost au moral, salvateur. À vos côtés, Carlo, monsieur Patrick Fievé. Bonjour Sophie, bonjour spécialiste Carlo. Vin. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, allons nous intéresser au vin rosé, vin de piscine, vin de bonne femme ou vin piquette, voire de gastronomie dans certains cas. À quoi avons-nous à faire? Vous allez nous faire découvrir cet univers très contrasté, avec du bon et du moins bon. Volontiers. Ce qu'on boit là, c'est du très bon. C'est quoi? C'est un Côte de Provence, Château de Berne. Qui se trouve pas loin de Saint-Tropez. Oui, mais en Provence, il faut aussi faire son petit choix. Il y a aussi beaucoup de piquettes. Donc, les amis, on vous parle de tout ça. On va vous mettre le plein de soleil jusqu'à midi. Donc, vous ne débranchez pas. Vous posez, vous vous dites que la vie est belle. Vos questions, vos réactions, les amis, sont attendues via le site lapremière.be ou via notre page Facebook, bientôt à table, La Première RTBF. On a filmé Carlo il y a quelques minutes. Allez le voir, c'est juste sublime. Bientôt à table sur La Première. C'est la saga de la semaine. La tarte au riz de Verviers. Le tarte au riz de Verviers Gate, on pourrait carrément le dire. Stupeur et tremblement, l'AFSCA a encore fait des siennes. On a tout entendu cette semaine sur les ondes, sur les antennes. L'AFSCA veut supprimer les crus. L'AFSCA veut modifier les méthodes de conservation de cette tarte au riz devenue emblématique. On fait le point dans Bientôt à table. Un point bien utile. Un jour viendra où l'AFSCA viendra en studio contrôler la température des dégustations que nous servent nos invités. Celle du champagne que nous buvons tous les samedis à 11h55, on peut rêver à la fin de l'émission. Et qui sait, la vôtre, voire la mienne de température. Elle va bien la mienne. Alors, cette semaine, même que le problème qui empêche les inspecteurs de l'AFSCA de dormir, ce n'est pas les samosas exposés aux postillons de la clientèle du magasin de nuit en bas de chez toi, ce n'est pas les épices en plein vent sur les marchés, ce n'est pas la quantité de pesticides que l'on peut trouver sur une fraise en rayon, non, ce n'est pas la viande 30 fois réchauffée sur la pique d'un snack de room. Non, le problème, c'est la température de la tarte au riz après cuisson. Alors, on a d'abord cru à une nouvelle attaque en règle du lait cru. Car la vraie bonne tarte au riz de Verviers, elle est au lait cru, mais le lait cru, il est cuit deux fois. Donc il n'y a plus de souci. Une première fois pour faire le mélange, une deuxième fois au four à 210, quand le mélange a été levé dans la délicieuse croûte de pâte levée, car ça se fait avec une pâte levée. À noter que tout le monde s'est un peu vite, vous l'avez dit Sophie, un peu vite énervé sur cette histoire de lait cru pas cru. Notre ministre René Collin, le premier, et nous aussi sur les sites de la RTBF, on a d'abord parlé de ça, alors que l'AFSCA, elle a pointé autre chose. Alors, si pour une fois l'AFSCA ne fait pas sa vierge effarouchée par rapport au lait cru, il est où le problème? Eh bien, le problème, il est que l'habitude à Verviers, une fois la tarte cuite de chez cuite, c'est de laisser la tarte au riz dans les étagères de la pâtisserie, je vous rassure, pendant maximum 48 heures, et pas dans le frigo comptoir, parce que, chers auditeurs, Sophie, Patrick, la tarte au riz se déguste chambrée. Évidemment. C'est une question de texture, de moelleux, de plaisir, d'orgasme gustatif. Mais allez demander à un fonctionnaire un peu coincé d'avoir un orgasme. Hein ? Et bien entendu, ça génère une prolifération bactérienne que t'as pas idée. Comme on préfère crever que de se passer d'un orgasme gustatif, on va tous mourir de la salmonellose, mais heureux, non ? Évidemment. Ben non. Non, parce que les boulangers pâtissiers, ils ont devancé l'AFSCA, ils ont fait leur propre étude qui montre rien, nada. Du coup, l'AFSCA, elle a dit moi, je vais faire mon étude à moi et on verra bien ce qu'on verra bien. Bon, au final, notre ministre wallon de l'agriculture, René Collin, il est bien embêté parce qu'on est en pleine promo des boulangeries pâtisseries artisanales, on en a parlé, il y a la semaine du bœuf, la semaine du bio, bien. Bref, et donc, notre ministre, il a fait officiellement état de sa perplexité. Notre autre ministre fédéral, celui-là, Willy Borsu, qui a l'AFSCA dans ses compétences, évidemment, c'est normal, il protège, il est corporate, il protège son admiration, son administration. Oh, le lapsus. Oui. Bravo, mais, Carlo. Oui, non, mais pas de doute. Bravo, alors, Carlo. Mais rassure, ouais. Le ministre rassure que la tarte au riz n'est pas visée. Mmh. Et nous, à bientôt à table, on répète de concert que, bien sûr, on est en faveur de la sécurité alimentaire, des commerces qui respectent une hygiène hygiénique, que l'on aime le lait cru même quand il est cuit, et que... on attend, nous aussi, les résultats de l'étude de l'AFSCA qui veut faire son étude à elle avec confiance et que, de toute façon, M. Wertz, président des boulangers pâtissiers de Verviers, a déjà dit « over my dead body » en ce qui concerne la simple évocation de l'idée de mettre la tarte au riz à sécher au frigo, parce que ça sèche au frigo. Bah oui. Ah oui, c'est moins beau du coup. Alors quand même, si vous voulez soutenir la tarte au riz, bah, la première chose, j'ai envie de dire, c'est acheter des tartes au riz. Hein, si on voulait soutenir, parce que c'est comme le herve. Hein. On a dit le herve, mais on n'est pas nombreux à manger du herve au lait cru. Il n'y a plus qu'un producteur. Ouais, acheter. Et il y a même aussi une pétition organisée par l'organisation Slow Food, qui défend les produits de terroir, on le sait, au lait cru, même quand il est cuit. Je vous laisse mettre le lien pour la pétition. La suite, en septembre. Oui, exactement. Quand on aura les résultats de l'étude. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est vrai que c'est pas le lait cru qui est pointé. Non. Mais enfin, si la tarte au riz était au lait pasteurisé, je sais pas si l'AFSCA aurait fait son. Mais ça son change. Dans ce cas-ci, ça changerait rien du tout. Mmh. Donc je ne sais pas. Apparemment, moi, je veux bien leur laisser le bénéfice du doute de cette histoire de température. Mmh. Mais simplement, il faut quand même se dire que c'est cuit de chez cuit. Il faut tout petit peu faire confiance à des commerçants sérieux qui ne voudront pas vendre quelque chose. Enfin, écoutez, et éviter les contaminations après, évidemment. Oui, mais enfin, on a quand même jamais entendu de contamination sur cette tarte au riz de Verviers, jusqu'à preuve du contraire. Alors, ce que vous allez faire, les amis, puisque vous êtes branchés sur La Première et que c'est très très bien, vous allez vous brancher sur notre page Facebook et sur le site lapremiere.be. Et vous allez nous envoyer des messages de soutien à cette tarte au riz de Verviers, la moelleuse, la fondante, celle qu'on aime. Bien sûr, quoi. La fondante. Voilà, vive la tarte au riz de Verviers. Voilà, les amis, ce qu'on va faire. Oui. Si notre technicien se réveille. On va. Voilà, j'attendais mes cigales. Ah, les cigales. Les cigales sont là, donc ça veut dire qu'on va rejoindre notre invitée Jeanne Bailleul depuis la Provence. Bonjour Jeanne. Bonjour. Et comment allez-vous ce matin? Très très bien, je suis avec vous, donc ça va très bien. Dites, on vient de parler de la tarte au riz de Verviers, vous ne connaissez pas cette spécialité bien de chez nous. Non, j'avoue, je ne connais pas. C'est quoi la spécialité pâtissière de Provence, l'une des spécialités pâtissières? Faites-nous rêver. Alors, donc nous ici on a la fougasse, la fougasse provençale, à l'huile d'olive, donc ensuite on a les calissons qui ne sont pas très loin avec en Provence, les oreillettes. La tropézienne. La tropézienne, c'est un peu plus loin. Oui, mais c'est toujours un peu la Provence quand même. Mais c'est un peu la Provence. Mais en fait, on est un peu sectaire. La Provence, pour nous, c'est vraiment le rayon des Alpes. D'accord. C'est pas aussi, sympa pour les autres. Il y a aussi les aisettes. Les aisettes, exactement. C'est quoi ça? Alors, les aisettes, c'est un petit biscuit sec qui se mange ou qui se trempe dans le café et qui est excellent. Alors, il y a du muscat de Rivesalt dans ces petits biscuits. Vous avez déjà goûté ça, Carlo? Non, je ne connais pas la zézette, pas de près. On va en envoyer aux inspecteurs de l'AFSCA. Oui, mais c'est sec, ça, ils n'auront rien à dire. Il faut leur envoyer un truc, une tarte au flan. Alors, Jeanne Bailleul, vous êtes une figure incontournable de Provence. Vous êtes styliste, décoratrice. Vous avez un très, très beau magasin de déco à Saint-Rémy-de-Provence, un sublime village du Luberon. Et vous venez de commettre un ouvrage, sans doute pour moi, le livre de l'été, je le dis vraiment sincèrement, je l'ai adoré, je l'ai même dévoré. Ça s'appelle Cuisine des amis en Provence. C'est un tour de Provence à travers finalement vos amis, ça dit bien ce que ça veut dire. Certains connus, d'autres un petit peu moins, et tous vous ont raconté des histoires sur cette cuisine de Provence, sur cet art de vivre et sur ce sens du partage. Oui, en fait, je voulais mettre en avant, j'avais fait un premier livre sur la cuisine de famille en Provence. Mmh. Je parlais en fait de mes racines provençales, de ma grand-mère italienne, et là, je voulais mettre en avant justement tous ces gens qui sont venus et qui ont amené avec eux dans leur petite valise des recettes qui viennent un peu de partout dans le monde et qui en fait font que la cuisine provençale s'enrichit de nouvelles saveurs. Voilà, donc c'était ça et puis les rencontres avec les gens, tout ce que ça apporte et dans l'assiette et dans l'amitié et dans la façon de vivre. Alors vous êtes une fille du pays, hein, vous avez vécu dans un mas dans le Luberon avec votre grand-père. Alors, juste, je vous coupe, en fait, c'est pas le Luberon du tout. Nous, c'est les Alpilles. Les Alpilles. Alors voilà, le Luberon, c'est à gauche. C'est autre chose. C'est à droite. Voilà, c'est pas du tout les mêmes. En fait, ça, c'est pas très loin, mais c'est complètement différent. C'est pas du tout les mêmes terres. Mais rassurez-moi, il y a de la lavande chez vous aussi. Oui, alors il y en a moins que dans le Luberon. D'accord. C'est d'accord. Vrai. Mais quand on descend, pour que nos auditeurs comprennent, quand on descend la vallée du Rhône, les Alpes c'est à droite, le Luberon c'est à gauche. Exactement. C'est juste. Voilà. D'accord. Voilà, tout à fait. Alors, comment est-ce qu'on pourrait la définir, cette cuisine provençale? À la base, c'est une cuisine paysanne. Oui, c'est une cuisine paysanne, une cuisine de légumes, ouais. De fruits. La viande principale étant l'agneau, parce qu'il y a beaucoup d'agneaux, justement, en Provence. Et le poisson... le poisson par Marseille, par le bord de mer. Ouais. Et c'est avant tout les légumes. Alors justement, ces légumes omniprésents dans cet ouvrage, on va parler d'un plat incontournable que l'on peut aimer ou détester. C'est le tian de légumes, Jeanne Bailleul. Alors d'abord, je vais laisser Carlo réagir. Le tian, ouais, vous... Elle me provoque. Alors, non, c'est parce que moi, j'ai une dent contre le tian. Mais je n'ai pas une dent contre le tian, toujours. Mais simplement, je trouve que parfois, quand c'est pas bien fait, tous ces légumes, les aubergines cuisent moins vite que les courgettes ou que les tomates. Et donc, on se retrouve parfois avec des légumes bouillis. Mais je suis sûr, Jeanne, que vous allez nous donner la recette pour faire en sorte que le tian soit bon. Et comme ça, mes copines du Luberon qui m'accueillent chaque année en juillet me feront des bons tians parce que je leur donnerai le bon filon. Oui, alors déjà, alors nous, c'est pas du tout bouilli. Voilà. Déjà. Oui. Alors moi, il n'est pas bouilli, mon tian. Il est... Alors mais déjà, c'est le tian, c'est le plan de terre. Donc en fait, oui. En plus là, pour le livre, j'ai un copain, Éric Trochon, qui est un grand chef à Paris, qui m'a donné un coup de main. Et on a fait un tian qui était vraiment magnifique. Donc c'est coupé donc, les légumes. Donc c'est aubergines, oignons, tomates, courgettes. Oui. En fines tranches, qu'on met au fond du plat. Alors, je mets de l'huile d'olive, de l'ail, du romarin, du sel, du poivre et du thym. Et en fait, je fais cuire ça très lentement au four. Donc en fait, mon tian, il va se confire. C'est ça. Oh là là. Ça va rien... Ça pas, voilà, donc ça va pas avoir du tout un goût de légumes bouillis, mais ouais. Au contraire, ça va confire et c'est vraiment délicieux. Et quelle température, Jeanne, température du four? Alors moi, je fais tout 170. Oh, d'accord. Et bon, moi, je laisse tout très longtemps cuire. Deux heures, donc après, hein. ça dépend. Ah oui, c'est voilà. cuit. Mais je trouve que plus c'est cuit, meilleur c'est. Oui. Oui. Alors, peut-être et juste ce rappeler... Ce qui est excellent, c'est aussi de mettre l'épaule d'agneau dessus. Waouh. Ça me plaît donc, déjà. Donc, vous la colorez d'abord, l'épaule d'agneau, avant de la mettre dans ce plat. En fait, moi, je fais cuire. Alors, bon, ça dépend. On peut la faire colorer aussi. Ouais. Donc, moi, je mets l'épaule d'agneau et je laisse tout cuire en même temps, deux heures. Et est-ce que vous piquez l'agneau d'ail chez vous, en Provence? Alors oui, on pique l'agneau d'ail. Alors, tout, ça dépend des gens. Moi, je le fais tout le temps parce que nous, on est en fait des fervents amateurs d'ail. D'ail. Donc, c'est vrai qu'on en met un peu de partout. Alors, dans cet ouvrage, Jeanne, vous êtes allée à la découverte de la cuisine de tous ses amis qui ont élu domicile ou des enfants du pays, hein, de la Provence. Vous êtes arrêtée chez la princesse Caroline de Monaco. Ça fait très people. Mais c'est très intéressant parce qu'on découvre une femme dont je ne soupçonnais pas toute la simplicité. Une grande amoureuse du pays de la Provence qui vous a fait découvrir quelques recettes tout à fait typiques et très peu connues en fait. Hein. Oui, et en fait, elle n'est pas du tout people et c'est vraiment une amoureuse de la cuisine. Elle en parle et elle fait la cuisine. Donc en fait, oui, ça pourrait sembler, mais ce n'est pas vrai du tout. Elle fait elle-même la cuisine et elle a cette passion des bons produits. Elle se rappelle petite, elle nous disait qu'au palais, déjà, elle avait fait le premier repas pour ses parents à 8 ans. Qu'elle était souvent dans les cuisines, parce qu'elle était de temps en temps seule, donc elle allait dans les cuisines et participer. Et là, elle nous a donné quelques-unes de ses recettes. Entre autres, on a adoré, parce que c'est vraiment délicieux, et c'est rien à faire, c'est la sardina. Oh, et c'est une recette typique de Monaco, en fait, de la gare de Sardes. Et c'était une recette des gens pauvres de Monaco, du haut de la ville. Alors maintenant, il n'y en a peut-être plus beaucoup. Et ils faisaient cette tarte qui est vraiment très, très simple. En fait, c'est une pâte. Ensuite, on met des anchois dessus, des olives, et ça cuit très rapidement. Et c'est délicieux à servir pour un apéritif. Avant le repas, c'est parfait. Alors, moi, j'ai testé, et c'est vrai que c'est un régal. Vraiment. Carlo, la sardina, il faut tester le truc. Oui. Vous aimez les anchois? C'est des sardines. C'est des anchois. Non, en fait, c'est des anchois. Ah, pardon. Ça pourquoi sardina, ça s'appelle sardina? Excusez-moi, je me suis assoupi. Mais ça s'appelle la sardina, effectivement. C'est assez parce original, que c'est la gare de Sardes. Voilà. Donc c'est sardina parce que c'est la gare de Sardes. Parce que mais c'est ce sont des anchois. Oui, excusez-moi, j'ai c'est de ma faute. J'aurais dû écouter avec plus attention. Mais écoutez, Sophie, oui, alors les anchois, oui, j'aime bien. Oui. Ça peut le faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est c'est un peu une sorte. Pardon, je vous interromps. Alors, du coup, maintenant, c'est un peu une pissaladière simplifiée. Exactement. C'est ça. Tout à fait. Alors dans cet ouvrage, vous êtes aussi, vous êtes amusé à nous faire découvrir bien les producteurs de votre région. Et c'est vrai que la Provence reste une destination très appréciée de nos amis belges. On est nombreux à partir découvrir la région pendant les grandes vacances. Par exemple, à Saint-Rémy-de-Provence, qui reste un petit village tout à fait mythique, il y a quelques endroits à découvrir, Jeanne Bayol, notamment le Café de la Place, incontournable si on y va. Oui, incontournable, parce que c'est d'abord, c'est des copains. Ouais. Et ensuite, donc il y a une ambiance vraiment très chaleureuse, avec plein de gens sympas, il y a un brassage. Il y a une cuisine qui est excellente, parce que ce ne sont que des produits locaux. Mmh. Donc c'est une grosse brasserie, ce n'est pas un gastronomique. Mmh. Mais on y mange toujours bien, on est toujours bien servi, c'est joyeux. Et c'est vraiment un endroit de mélange, comme il n'y a plus beaucoup. Donc il y a des locaux, il y a des étrangers, ouais. Et tout le monde discute. L'endroit est sympathique, joli. Et on y mange bien. Et quels sont les marchés, les vrais beaux marchés à découvrir si on va se balader dans les Alpes, pour le coup? Alors, le mercredi à Saint-Rémy, parce qu'il y a un très très gros marché, avec plein de choses. Il y a de l'artisanat, des aliments. Ensuite, il y a le grand marché d'Arles, qui est la porte de la Camargue. Mmh. Et Arles, c'est samedi matin. Et ça, c'est un marché extraordinaire. Parce que là, vraiment, on sent comme, en fait, la Camargue, c'est un vaste territoire. Et Arles, centralisé... Donc tous les gens qui venaient de tous les gros mas aux alentours. Mmh. Et donc ce marché est vraiment, c'est un marché à faire aussi. Donc on a Saint-Rémy, Arles, mais ensuite il y a Amossane. En fait l'été, ce qu'il y a de sympathique, c'est que tous les marchés sont agréables. Et de plus en plus, oui Sophie. Les marchés de Provence, vous les écumez aussi? Il y a j'écume pas tout, mais il y a tous les samedis, il y a le marché dans le Luberon, alors pour le coup, le marché de Coustelet. Et alors, ce qui est, j'ai oublié le jour, mais à Apt, qui est une des villes importantes du Luberon, il y a le marché classique, mais il y a aussi un marché tout à fait bio et tout à fait local. Parce que c'est ça le problème de certains des marchés de Provence et de certaines boutiques en Provence. C'est un peu le même problème qu'on a dans le centre-ville à Bruxelles. C'est que chez nous, le chocolat n'est pas toujours belge et en Provence, l'huile n'est pas toujours d'olive locale. Donc, mais en revanche, c'est vrai que la passion, la présence de plus en plus de gens qui se passionnent, qui découvre la cuisine, je trouve à améliorer dans les 10 dernières années le niveau des marchés provençaux. Alors je sais que c'est pas la Provence, mais sinon sur la Côte d'Azur, alors il y a des très beaux marchés aussi, mais alors par contre les tarifs sont à hauteur de portefeuille russe. Hein. Donc, j'ai vu des melons à 9 euros. Hein. Donc, mais en revanche, des tomates de collection, des fleurs de courgettes, alors des fleurs mâles aussi, des fleurs de courgettes sans accrocher le fruit, donc qui permettent de faire des vraies belles fritures de fleurs de courgettes, les huiles d'olive, et puis des aubergines qui ont du goût, des pêches qui ont du goût. Enfin, c'est vrai que si vous aimez un peu cuisiner, les marchés de Provence, vous rayonnez d'un rayon de 20 km, il y en a un chaque jour. Ouais. Rennes Samut, vous en avez des petits producteurs, coup de cœur, de fruits et légumes? Est-ce qu'il y a quelques noms comme ça à donner à nos... Oui, alors. Vous avez dit Rennes Samut. Ah oui, alors je ne sais pas. Alors je vous explique. On a reçu. Il y a deux ans. Alors, hein. Je vous explique. On vient de recevoir un petit message de Joël qui nous dit qu'une des chefs incontournables de Provence, c'est Rennes Samut. Et donc Alors il faut savoir, Jeanne, que c'est un peu la fin de la saison. On est au taquet, on vous promet. Mais par contre, nos neurones, ils font ce qu'ils peuvent. Voilà. Et puis aussi, pas du tout, parce que moi aussi. Donc je comprends tout à fait. Alors moi, comme mon produit, comme on disait, nous, en fait, on a beaucoup de chance, on a un grand magasin bio en face de chez nous. Oui. Et de plus en plus, on trouve quand même, comme vous disiez, de très très bons produits de bio. De plus en plus, les gens se mettent à apprécier, à venir. Donc, on a une très bonne huile d'olive, qui est l'huile d'olive des Baux-de-Provence, l'huile d'olive de Jean-Benoît et Catherine Hugues, qui est Castella. Ah, Castella, mais oui. Là, vous nous lancez sur une piste formidable. Castella, c'est une très belle maison. Parce que ça, c'est vraiment un endroit, d'abord l'endroit est magique. Ils travaillent en bio, leur huile d'olive, c'est des passionnés. Donc ça, c'est vraiment une très bonne adresse pour l'huile. Bon, il y en a plein d'autres. Un petit mot, je vous interromps, Jeanne. Juste une seconde. Castella, ils font plusieurs sortes d'huile, mais ils font notamment un truc qui, moi, me rend fou. C'est le fruité noir. C'est-à-dire, ce sont des olives cueillies quand elles commencent à noircir, elles sont encore un peu entre le vert et le violet. Et ça donne une huile qui a un parfum d'olive. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jeanne. Ah oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai une passion pour celle-là en particulier. Donc, si on va visiter un producteur, donc Castella, ça mérite vraiment le détour. Mais ce sont des huiles assez légères et fruitées. Ils ont le fruité vert, le fruité noir, et puis ils ont la bio, puis ils ont les monocépages. Enfin, ouais. c'est une très belle maison. Alors, on a une réaction de Claudie qui nous dit avoir eu l'occasion de visiter la confiserie Lille-Amand à Saint-Rémy-de-Provence. Un vrai travail à l'ancienne, nous dit-elle. Et elle nous explique qu'ils utilisent même un melon tout à fait typique de la région, le Cantalou de Provence. Oui, tout à fait. Alors, c'est un melon qu'ils ont permis. En fait, grâce à eux, ce melon existe toujours. Mmh. Parce que comme c'est le seul qui peut se confire, parce que des fruits très spéciaux, en fait il faut des vrais fruits pour la confiserie. Et l'île Amand, c'est vraiment le meilleur artisan, je pense, de France, et même presque, parce qu'ils font des fruits incroyables. Et justement, ils travaillent sur des variétés anciennes, et donc il y a le melon que j'ai dans mon livre qui est magnifique, ils ont plein de... Tout est beau. En fait, c'est magique. Quand on y va, et si on aime le sucre et les fruits, c'est un endroit de rêve. Il faut restaurer, pardon Sophie, le fruit confit. C'est vrai que quand on dit fruit confit à la plupart des gens, on se dit le truc pas bon que j'enlève de mon panettone. Il faut savoir que les fruits confits bas de gamme, c'est souvent du navet coloré. Ouais. Alors faites-nous, Jeanne, si je peux vous demander, de nous donner envie d'aimer le fruit confit. Moi j'aime ça, mais je pense que mais là, c'est, on est c'est nombreux jusqu'à 7 à 8 bains dans un sirop, et ça s'étale plusieurs semaines, 3 à 4 semaines pour un fruit, donc c'est assez exceptionnel quand même. Oui, alors là, ça vous donnera envie. Déjà, vous allez voir leurs photos. Je ne sais rien que dans le livre ou ailleurs, c'est complètement inouï. Parce que les fruits, donc, ça fait 5 générations qu'ils font ça, toujours au même endroit. Donc, l'été, vous passez dans la cour où il y a les énormes platanes. On les voit en train de peler à la main tous les fruits. Ouais. Donc, ça, tout le monde peut le voir. C'est vraiment... Donc, c'est des fruits, des variétés anciennes, des variétés qui font faire, eux, pour conserver ce goût. Ensuite, ils le trempent dans un sucre qui est un bon sucre. Ils le laissent sécher. Donc, c'est vraiment un vrai travail artisanal qui n'a pas bougé depuis des générations. Magnifique. On y est, là, en Provence. Ben voilà. Donc, le calisson est notamment composé de melon confit. Donc, le fruit confit, c'est bon. Voilà. Ce qu'on va s'offrir, c'est un petit peu de Gilbert Bécaud avec ses marchés de Provence. Ah ben et juste après, quelques recettes, notamment à base de feuilles de figuier. Ça marche. Juste pour vous, les amis. Il y a tout au long des marchés de Provence qui sentent le matin, la mer et le midi, des parfums de fenouil, melons et céleri, avec par-ci par-là quelques gosses qui dansent. Voyageurs de la nuit, moi qui en ribambelle ai franchi les pays que je ne voyais pas, j'ai hâte au point du jour de trouver sur mes pas ce monde émerveillé qui rit et s'interpelle le matin au marché. Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et un kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un bon plateau de pêche ou bien d'abricot. Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte, voulez-vous pas vrai? Un bouquet de lavande ou bien quelques œillets. Et par-dessus tout ça, on vous donne en étrenne l'accent qui se promène et qui n'en finit pas. Mais il y a tout au long des marchés de Provence tant de filles jolies, tant de filles jolies, qu'au milieu des fenouils, melons et céleri, j'ai bien de temps en temps quelques idées qui dansent. Voyageurs de la nuit, moi qui en ribambelle ai croisé des regards que je ne voyais pas, j'ai hâte au point du jour de trouver sur mes pas ces filles du soleil et qui m'appelle le matin au marché. Eh ben voilà, on y est. Vous voyez, on n'a pas le soleil ce matin, mais il est dans le cœur. Hein. Les marchés de Provence. Oui. Gilbert Bécaud, il est 11h30, vous écoutez la première, notre invitée du jour, Jeanne Bailleul, depuis Saint-Rémy-de-Provence, dans les Alpes et non dans le Luberon. Enfin, qu'est-ce que j'ai été dire encore une fois, moi. Il n'y a pas eu que ça. Mais vous savez, on boit du vin rosé quand même, depuis 11h05. C'est ça le problème. Ceci expliquant peut-être cela. Voilà. Jeanne Bailleul, avec nous donc. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cet ouvrage « Cuisine des amis en Provence », publié aux éditions de La Martinière, un tour du pays, de votre pays, à travers tous ces hommes et femmes qui le font vivre véritablement, hein, des artistes, des designers, etc. Vous êtes allé les rencontrer, ils vous ont parlé de leur cuisine provençale, ils vous ont fait partager toutes leurs recettes. J'étais assez étonnée de voir une recette, Jeanne Bailleul, à base de feuilles de figuier, une pintade en feuilles de figuier. Oui, alors parce qu'il y a beaucoup de figuiers en Provence, ouais, comme au contour de la Méditerranée. Et en fait, ça, c'est Éric Trochon donc, qui nous a donné l'idée, ouais, et en fait, de faire cuire la pintade dans les feuilles de figue, ce qui lui donne, wow, en fait, une saveur et un goût très particulier. La feuille, simplement, en cuisant autour de la pintade, parfume la volaille, et c'est, wow, vraiment divin. Ça, donc, en fait, on pourrait faire dorer cette volaille, peut-être même la farcir de quelques figues, parce que les figues alors, sont... On, exactement, ouais, on coupe des figues, alors fraîches ou sèches selon la période, ouais, et on met à l'intérieur de la pintade une farce avec des figues, et c'est vraiment, et on peut en faire rôtir aussi, en fait avec les figues on peut faire plein de choses. Voilà, vraiment. Mais c'est vrai que l'idée d'envelopper cette pintade de ces feuilles de figues, Carlo, ça donne envie. Hein. Oui, ça donne tout à fait envie. J'étais en train d'essayer de faire une photo de vous avec le verre de rosé. Oui, non, il vaut mieux pas aujourd'hui. Alors, omniprésente aussi, toutes les herbes de ce pays. On a vraiment, on a l'amarante, le basilic, etc. La coutume de tous ces paysans, c'est d'utiliser toutes ces herbes dans des plats très très simples, notamment la galette aux herbes, Jeanne Bailleul. Oui, en fait, c'est une recette de copains à nous qui habitent dans les Alpes. Et c'est vrai que c'est une recette dont la mère, Madame Durbach, faisait quand elle était plus jeune. Parce que s'il arrivait des gens à l'improviste, elle battait des œufs, elle rajoutait ce qu'elle avait dans le jardin, donc des herbes, et elle mettait des flocons d'avoine. Et ça faisait une galette qui était vraiment délicieuse avec peu de choses, en fait. Un plat du pauvre, véritablement. Un plat mais du goûteux. Pauvre, mais avec une saveur... Ouais. Riche. Oui, la tatin aux oignons, pas mal aussi. Racontez-nous, Jeanne Bailleul. Oui, alors c'est vrai que la tatin aux oignons, on a l'habitude. J'ai un ami hier qui m'a dit on a l'habitude de manger des tatins sucrés et j'aurais pas pensé à faire une tatin aux oignons. Et en fait, la tatin aux oignons, c'est délicieux avec des petits oignons. Ouais. Ça se caramélise. Et pour une entrée avec une salade verte, c'est vraiment divin. Mais le truc en plus, c'est que vous allez rajouter du miel dans cette tatin d'oignons. Oui, parce que le miel, en fait, s'associe très très bien avec les oignons. Ouais. Et ça donne un côté salé sucré qui est très très bon. Jeanne, les oignons, vous les découpez comment dans la tartine d'oignons? Ils sont émincés ou vous faites des morceaux? Non, en fait, là, ce sont des petits oignons grelots. Ah, des grelots. Des petits oignons entrés, entiers, en fait. On les pré-cuit avant de les mettre en tarte? On peut donc, on les déshabille. Oui, oui. Et on les couche au fond du plat. D'accord. Et donc, on voit, en fait, je ne sais pas si on voit bien sur la photo, mais c'est des petits oignons. Donc, tout le plat est recouvert de petits oignons. Mais on pourrait le faire, mais je pense que c'est moins bon avec des oignons émincés, parce que ça ne donnera pas, ça ne va pas garder, il n'y aura pas d'assez de gros morceaux. Il n'y a pas de pré-cuisson avant l'habillage avec la pâte à tarte? Non, il n'y a pas de pré-cuisson. D'accord. Tout va cuire tranquillement. Voilà, la tatin d'oignons avec une belle salade verte, pas mal. Une cuisine simple. Oui. Question qui nous arrive à l'instant. Lily voudrait avoir la recette de votre aïoli. Est-ce que vous le faites vous-même, l'aïoli? Alors, l'aïoli, en fait, pour tout vous dire, c'est ma maman qui le fait. Parce que ma maman a une grande habitude de l'aïoli. Quand on était petite, elle organisait chaque année une aïoli pour 100, 120 personnes, avec des copains qui venaient de partout, dans le jardin. Et donc, c'est toujours elle qui a fait l'aïoli. Elle faisait une aïoli à la main pour 100 personnes. Ouais. Donc, c'était. Alors, il faut garder les bonnes habitudes. Tant qu'on a sa maman, je lui laisse faire l'aïoli. Et c'est quoi son truc? Vous pouvez nous donner la recette? Oui. En fait, on a un gros pilon en marbre qui appartenait à ma grand-mère et à mon arrière-grand-mère. Et en fait, elle écrase donc l'ail. Mmh. Et elle monte tout ça au pilon, huile d'olive. Alors, là, en fait, il faut des bons œufs et de la bonne huile d'olive. Alors, en fait, comme pour. Jeanne, on démarre avec l'œuf. J'ai vu certaines recettes où on démarrait avec le jaune d'œuf dur ou le jaune d'œuf à cru. Non, alors maman le fait avec le jaune d'œuf cru. D'accord, parce que la recette jaune d'œuf dur existe, j'ai pas rêvé. Hein. Oui, alors moi, c'est vrai que donc je vous dis tant que ma maman est vivante, j'espère que ça durera très longtemps. Donc c'est elle qui le fait pour nous et donc elle le fait avec un jaune d'œuf cru, l'ail et on monte, c'est monté à l'huile d'olive. Et c'est monté à l'huile d'olive. Donc en fait, il faut pas faire de bruit autour, il faut pas qu'il y ait de courant d'air parce que si ça retombe, c'est catastrophe. Ah oui, c'est pas évident. Hein, une mayonnaise au bidon et au mortier, c'est dur, oui. Non, c'est exactement. Ouais. Oh là là, et vous accompagnez ça de quoi, cet aioli ? Alors, de morue. Ouais. Ensuite, deux pommes de terre, d'œufs durs, deux haricots verts et deux carottes. Ah oui. Voilà, c'est tout simple. Oh. C'est un plat. Bon, ça suffit, en fait. J'arrive. Et généralement, on mange ça le vendredi. Quoi, c'est la coutume, c'est la là. Et on en profite tout le week-end. Voilà, exactement. Bon, par contre, il ne faut rien faire juste la sieste l'après-midi. Il y a aussi de très, très belles recettes, tout simples, hein. Épinards avec du citron, tout simplement. Bah, que demander de plus ? On a le légume de saison, on a le citron qui vient relever tout ça. Les figues aussi omniprésentes dans cette culture gastronomique provençale. Ici, vous nous proposez une recette, Jeanne Bailleul, de figues rôties au miel avec la brousse, un fromage tout à fait particulier aussi. Hein. Oui, alors ça, on trouve pas mal. Alors, nous, on a la brousse du Rove. Ce sont des chèvres qui sont donc sur les collines à côté de Marseille, qui plongent sur la mer. Et donc, ce sont des petites chèvres très... très rudimentaire, en fait, très rudimentaire, non, on ne dit pas ça pour des chèvres. Rustique. Mais... voilà, très rustique, merci. Et donc, on fait ça avec cette brousse du Rove et c'est vraiment un délice. Waouh, voilà, en tout cas, le plein de recettes et de jolies rencontres aussi avec tous ces enfants de Provence. Ça se passe dans ce livre Cuisine des amis en Provence par vous, Jeanne Bailleul. Très belle photo de Brunet Suet et c'est publié aux éditions de La Martinière. Avant de se quitter, Jeanne, est-ce qu'il y a un coup de cœur vigneron que vous aimeriez nous faire découvrir ? Oui, alors Dominique Ovette, qui est une pionnière de l'agriculture biologique. En biodynamie. Avec, ça a été une des premières à faire d'un vin sans soufre. Ouais. Il fait ça dans des grandes amphores, déjà c'est magnifique. Et elle est au pied des Alpilles, et elle a un vignoble. Et c'est vraiment, en plus, c'est une amoureuse de la terre. Elle est venue ici, ça a été une des premières femmes à faire un vin qui est puissant, qui est savoureux, qui est... Non, c'est vraiment une belle personne et qui fait un très beau vin, très, très chargé. Voilà, et donc le nom de cette vigneronne formidable, Dominique Ovette. Voilà, on vous souhaite bon vent depuis Saint-Rémy-de-Provence et puis on peut venir s'arrêter chez vous quand on sera chez vous. Hein, pendant les grandes vacances, on viendra vous faire un petit coucou. Et portez-vous bien, Jeanne Bailleul. Merci beaucoup, bonne fin de saison. À vous aussi. À bientôt. Patrick Fievet, notre spécialiste vin, le vin de Dominique Ovette, vous connaissez ? Oui, j'aime beaucoup son blanc. Ouais. Elle fait du blanc, mais c'est pas donné, vous me faisiez un petit signe. Oui, effectivement. Oui, on est, c'est bon, mais c'est cher. On est dans les tarifs, effectivement, un petit peu pour les portefeuilles russes, nous dirait. Mais le produit du rose aussi, du rosé aussi ? Elle produit du rosé, du rouge également. Mais son blanc est particulièrement réussi, je trouve. Un petit peu de publicité, les amis, mais... Restez branchés, puisque dans quelques minutes, nous vous faisons découvrir l'univers des vins rosés. 11h midi, bientôt à table sur la première, avec Sophie Mouns. À 11h41, c'est l'heure de l'apéro, Carlo. Oui. Mode vin rosé ce matin. Et c'est comme ça. Bon, alors le danger avec les vins rosés, c'est que on a le choix. Soit on les boit et puis on a mal de tête, soit on ne les boit pas et on essaye de trouver des vins de qualité. C'est un petit peu caricatural, hein, Sophie. Ouais, à peine. C'est vrai que les vins rosés cartonnent et puis c'est vraiment des vins de saison. Dès les premiers rayons de soleil, on voit d'ailleurs dans les supermarchés... Le public remplir les caddies. Mais en même temps, c'est un double monde. Le très très bon et ces petits vins d'approche de bord de piscine. Quoi. Oui, mais il y a deux remarques à faire, effectivement. Bon, vous avez deux types de vins rosés. Vous avez le vin rosé qu'on qualifie généralement de piscine, donc de détente, d'apéritif, etc. Hein, et l'autre qui est plutôt de table, hein, donc qui peut assumer tout un repas dans l'esprit méditerranéen, effectivement. Voilà. Ouais. Bon, On va d'abord expliquer ces vins rosés au niveau de leur élaboration. Il y a différents procédés pour obtenir ces vins rosés. On ne parle pas d'assemblage comme c'est le cas de la champagne, par exemple. Vin rosé, il y a deux techniques. Voilà, il y a deux techniques. Tout d'abord, il faut savoir, effectivement, que vous venez de le dire, que l'Union européenne interdit le mélange de blanc et de rouge. Il n'y a qu'en champagne qui est autorisé. À l'exception, la champagne, il y a une dérogation, c'est la seule région. Tout le monde ne le fait pas. Il y a 95% des rosés qui sont faits par assemblage. Ouais, ok. Donc très très peu par saignée. Ouais. Alors voilà, précisément les deux méthodes d'élaboration des vins rosés. Vous avez la saignée, donc on prend les grains de raisin, on les fait macérer selon la couleur souhaitée, entre 12 et 24 heures. Il faut savoir qu'actuellement, depuis une bonne dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, la tendance est à la couleur très claire, très pâle, on parle de vin gris. Alors figurez-vous que c'est le marketing un petit peu qui s'en est mêlé il y a une quinzaine d'années, notamment celui des études de marché qui ont été réalisées par l'appellation Côte de Provence. Et il en est résulté effectivement que les consommateurs, en buvant du vin rosé très clair, avaient l'impression, c'est là que ça se passe, je touche ma tête, non pas de qualité, mais de vin plus léger en alcool. Ah oui. Ce qui est tout à fait absurde. Oui, enfin, en même temps, un vin rosé, rose bonbon, ça donne moins envie. On a parfois des rosés à la couleur très soutenue. Certains Bordeaux clairets, par exemple, ont des couleurs très soutenues. Ouais. Pour en revenir à la notion de vin clair, moi je peux très bien élaborer un vin pâle, gris, à 14 degrés d'alcool. Ce n'est pas du tout lié, la couleur n'est pas liée au degré d'alcool. Enfin, pour les gens, apparemment, c'est dans la tête que ça se passe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Carlo, il y a quelques années, on avait reçu un représentant du Centre de Recherche et d'Expérimentation sur le vin rosé à Vidauban. Et il nous parlait de ce Centre de Recherche sur les vins rosés. Ils avaient élaboré un nuancier de couleurs. Exact. Et leur travail, c'était de trouver la couleur idéale qui donne de la qualité et qui plaise au grand public. Et les bonnes levures. Ouais, et tout ça. On arrive maintenant dans un excès de couleurs. Ouais. Il y a certains vins rosés, vous vous demandez vraiment si c'est du rosé ou du blanc. Hein. Ouais, vraiment. Hein. Il y a d'ailleurs un vin que Gérard Bertrand fait dans le Languedoc qui s'appelle Gris Blanc. Ouais. Mais je vous assure qu'il faut vraiment se rendre compte que c'est du rosé, pas du blanc. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on travaille ces couleurs? C'est vraiment. Alors, on revient aux deux méthodes de production, d'élaboration des vins rosés. Vous avez la saignée, donc comme je l'ai dit, on fait macérer les grains de raisin pendant X heures en fonction de la couleur désirée. Et puis vous avez le pressurage direct, comme du vin blanc. Donc on presse directement. Mmh. Il faut savoir que ce type de procédé va très bien, convient très bien justement pour les vins à couleur très légère, le pressurage. Et puis vous avez alors pour le champagne. Mais les vins de saignée, comme vous les appelez, ce sont des vins destinés à devenir des vins rouges. En final, peut-être. On continuerait la macération de quelques jours. Ouais. On obtiendrait un vin rouge, effectivement. Mais ici, la saignée, selon encore une fois la couleur souhaitée, désirée, eh bien, on va macérer pendant 12, 13, 14 heures. Mais il faut rappeler que le jus d'un raisin rouge, sauf certains cépages dits teinturiers, le jus d'un raisin rouge est toujours blanc. Vous écrasez un grain de raisin, le jus est incolore. Et pour le vin rouge, on rappelle qu'il n'y a pas de pressurage, ou que le pressurage se fait, il se fait beaucoup plus tard. Et donc le rosé de saignée, c'est un vin rouge précoce. En quelque sorte. C'est un vin rouge précoce, si on veut. On dit souvent que ces vins de saignée sont des vins. C'est pas toujours mal d'être précoce. Donc, en fait, c'est une ça dépend dans quelles conditions. On dit souvent que c'est une technique utilisée par les vignerons pour augmenter la concentration des vins rouges, donc en soutirant. Exactement. C'est le cas ? C'est le cas. Ah oui. Et au niveau qualitatif. Pour renforcer un petit peu la concentration la structure des vins rouges. Oui. Donc on saigne. Oui, Mais il y a des différences de qualité entre ces deux méthodes. Et en tant que consommateur, ce n'est pas indiqué sur la bouteille. Ce n'est pas du tout indiqué sur la bouteille. C'est une question un petit peu d'option et de goût personnel. Il est évident que le pressurage va peut-être avoir moins de, entre guillemets, de profondeur que les vins de saignée, mais ils sont quand même élaborés, je crois, majoritairement maintenant en pressurage direct. On dit souvent que les vins rosés sont techniquement les plus difficiles à obtenir. C'est vrai, je n'aime pas tellement, quand on se balade et quand on discute avec les gens, le vin rosé, vous le savez bien, c'est un vin, c'est pas un vin, monsieur. C'est de la piquette, quoi. C'était pas un vin, c'est un vin bâtard, c'est pas du rouge, c'est pas du blanc, c'est un vin pour les filles, tous des trucs qu'on entend, mais ça m'agace assez profondément, parce que c'est vrai. C'est un vin très délicat à produire, à élaborer, comme le vin blanc d'ailleurs aussi. Donc vraiment, moi, le respect que j'ai pour les vins rosés, que j'aime beaucoup personnellement, et quand vous disiez tout à l'heure, avec raison, mais de moins en moins avec raison, dans la mesure où le rosé reste saisonnier, c'est de mai à septembre qu'on le consomme, mais de plus en plus, on constate, vous pouvez demander à nos cavistes et à nos acheteurs de grande distribution, on en consomme quand même un petit peu en dehors de ces mois, de ce printemps et de cet été. Oui, donc certains vins rosés peuvent être des vins de gastronomie. Voilà, justement, il y a des vins. Bon, il y a les vins. Bon, prenons un peu l'exemple des vins du Pays d'Oc, les vins de certaines régions de France, qui sont vraiment des vins légers, apéritifs, entrée légère, etc. Mais vous avez des rosés également très structurés, mmh. hein, qui peuvent prendre la place à la limite. Vin rouge pour des plats, pour des repas. Oui, mais là, on est dans une gamme de prix. On est dans une gamme de prix plus élevée, effectivement, oui, mais on est en parallèle également avec des vins beaucoup plus structurés. Je pense à Bandol, par exemple. Mm-hmm. Hein, évidemment, le rosé de Bandol avec le cépage Mourvèdre, qui est un cépage structuré, à la base plus prévu pour le rouge que pour le rosé. Et je trouve assez dommage que maintenant, à Bandol, on produit davantage de vin rosé que de vin rouge, alors que la vocation pour moi du Mourvèdre, c'est le rouge. Mm-hmm. Je pense également à Collioure, dans le Roussillon mm-hmm. également. Voilà, un type de rosé très structuré. Je pense au Bordeaux Clairet. Déjà abordé tout à l'heure, mmh. également des vins rosés très structurés. Je pense évidemment à l'incontournable Tavel, hein, qui est un peu le roi des rosés pour les gens de Tavel, qui est foncé, lui, pour le coup. Et qui a souvent une couleur relativement marquée, effectivement. Ouais. Rouge clair, on est sur le rouge clair. Oui. Hein. Patrick, au-delà des clichés sur le rosé, en tant que consommateur, ce qui m'agace le plus souvent, c'est plutôt les rosés qui sont formatés. Et il y en a encore énormément, c'est-à-dire des rosés où on a sélectionné la couleur sur une palette aromatique, ça je m'en fous encore bien, mais où par exemple avec les fameuses levures, alors quand on est partisan on appelle ça les levures sélectionnées, quand on n'aime pas ça on dit les levures industrielles, et alors on dit c'est formidable ce rosé de Provence qui émane des parfums de bonbons anglais. Et voilà justement, c'est parfois produit aussi en macération carbonique comme le vin rouge, et ça banalise, ça standardise un petit peu la palette des vins rosés, on est tout à fait d'accord. Et j'ai goûté maintenant une 60 de vin rosé il y a quelques semaines, en deux dégustations, je vous assure qu'il y a de tout. Alors il y a un autre phénomène également qui m'énerve un petit peu, et ça c'est une tendance qui ne se limite pas au vin rosé, c'est également le cas pour les vins blancs et pour les vins rouges, surtout des vins produits dans les pays dits du Nouveau Monde, mais également de plus en plus en Europe, c'est le sucre résiduel qu'on retrouve dans ces vins rosés. Donc je veux dire, le sucre résiduel, c'est le sucre qui n'a pas été transformé en alcool, donc mm-hmm. on conserve 5, 6, 7, 8 grammes de sucre dans le vin, donc qui n'a pas été transformé en alcool, et vous avez une finale toujours un tout petit peu doucereuse. Et c'est de plus en plus le cas, même en France, j'ai constaté en dégustant ces vins-là maintenant. Est-ce que tu nous as servi là un petit peu? Oh, je ne crois pas trop dans ce cas-ci. Mais vraiment, vous goûtez notamment des vins que j'aime bien au demeurant, surtout pour les rouges, mais des rosés chiliens, des rosés argentins, des rosés américains, évidemment, le Busch Wine, là, il y a du sucre et du sucre. Et là, je ne crois pas que ce soit vraiment la vocation. Attention, je n'ai pas dit qu'il n'y ait pas de vocation pour les vins rosés doux ou sucrés. Mmh. Je pense aux vins d'Anjou, les rosés d'Anjou, le Cabernet d'Anjou. Mais ça, c'est dans leur ADN. Oui, c'est dans leur ADN. D'accord. Tandis qu'ici, quand on estime acheter un vin rosé, qu'on achète un vin rosé de peu importe de cépage, on croit qu'il va être sec, c'est quand même la vocation, à mon avis, du vin rosé dans son extrême majorité, et qu'on se retrouve avec 8 grammes de sucre résiduel, c'est un peu dommage. Alors, on a pas mal de questions qui nous parviennent, Patrick Fievet, notamment sur notre page Facebook, concernant comment s'en sortir en tant que consommateur. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la gamme, le packaging de ces bouteilles est particulièrement bien léché. Est-ce que le prix peut être un indicateur du niveau qualitatif des rosés ou pas? En tout cas, le succès des vins rosés, parce que succès il y a, la progression des vins rosés, la consommation dans le monde est phénoménale, est spectaculaire. En France, 30% des vins consommés, c'est du rosé, 17% du blanc. Donc ça veut dire que le rosé en France est consommé presque deux fois plus que le blanc. Ouais. C'est incroyable. Je vous aurais parlé il y a 15 ans, ce n'était pas le cas du tout. En Belgique, on était à 15% à peu près, on était à 11 ou 12% il y a quelques années. Donc vraiment, la consommation du rosé, vraiment, ça a le vent en poupe. Maintenant, pour revenir à la question des prix, bon, il est clair que vous avez, les vins rosés commencent à 4 euros, et vous avez, j'ai goûté l'autre jour le Château Pigoudet, qui est vendu par un caviste ici en Belgique, à 16 euros. Maintenant, le prix n'est pas nécessairement un indicatif qualitatif. Parfois, c'est un surfait. Hein, vous prenez le rosé de Brad Pitt. Bah, écoutez, je l'ai goûté en me disant, bon, encore un truc. Mais franchement, il a de la gueule. Il a de la gueule, bien sûr. Mais enfin, il est vendu à 16 euros. Ben voilà, c'est ça. Bon, ok. Moi, je n'ai rien contre le fait de mettre 16 ou 15 euros pour un vin rouge. Et pourquoi pas, on le met bien pour les vins rouges et pour les vins blancs. Bah oui, si on a du qualitatif, quoi. Voilà. Ouais. Mais je ne sais pas si on a vraiment. On est vraiment boosté vraiment par la qualité en mettant le prix nécessairement. Je ne crois pas. Bon, les Tavel, on parlait de Tavel tout à l'heure. On a sorti avec notre site le guide d'achat des vins. On a sorti un vin. Bien sûr, on déguste à l'aveugle. Totalement à l'aveugle. On sait simplement qu'on est dans la vallée du Rhône, on ne sait même pas qu'on était à Tavel. On a sorti un vin qui est le Tavel le moins cher de Belgique, à 5,92 euros. Et on l'a sorti avant les autres. Bah, si on l'a sorti, c'est qu'on l'a apprécié. Ah oui, c'est ça. 5,92. Ouais. Bon, quel est le... On va un petit peu avancer sur les questions, mais quelle est la température idéale de service d'un vin rosé? Mais je crois que c'est un petit peu le cas, comme pour les vins blancs, on les boit un peu parfois trop froid, ouais, trop frais. Je crois qu'une température entre un vin de pays, enfin, ce qu'on appelle les vins de pays, les IGP maintenant, ouais, qu'il faut quand même boire à autour des 8 degrés, mais un Tavel, un Collioure, ou un Bandol ou un Bordeaux clair, moi je le dégusterai vers 10-12 degrés, pas trop frappé, ouais, pas trop glacé. On casse quand même les arômes, hein. Le froid casse les arômes. Même pour un vin rosé, il n'y a aucune raison. Hein. Le vin, oui, rosé, je le répète, ce n'est pas un vin bâtard. Et on vous accompagne ça de quel mets, là? Faites-nous rêver, là. Ben, d'abord, évidemment, l'apéritif, ça c'est, ouais, normal. Mais j'aime beaucoup, on est un petit peu dans la cuisine méditerranéenne, mais on est également dans la cuisine un peu du monde. Justement, c'est un peu ça aussi le succès du rosé. Eh c'est, oui, que justement, avec cette mondialisation fantastique qu'on vit depuis quand même pas mal d'années maintenant, du monde à table, du monde dans l'assiette, eh bien, on peut se permettre énormément d'associations avec les vins rosés. Avec des curries. Avec également des curries, des cuisines, ouais, indiennes, des cuisines asiatiques, ouais, évidemment. En même temps, un curry coco au bord de la piscine. Oui, moi, je crois que ça convient très bien. Et ce n'est pas que le vin. Vous savez, les psychologues parlent aussi, en parlant des rosés, le vin du non-choix, le vin du compromis. Hein, on ne veut pas un blanc, on ne veut pas un rouge, donc il n'y a plus que le rosé. Quoi. Bah, ouais. Ben, c'est un petit peu dommage, encore une fois, mais enfin, c'est possible. Mais sinon, avec l'aïoli, c'est bien. Bah voilà, on parlait de l'aïoli tout à l'heure, et puis effectivement, il vaut mieux le manger le vendredi que le dimanche soir. En tous les cas, ça, ce qu'on va retenir de cette chronique, c'est qu'effectivement, en matière de rosé, vous avez toutes les gammes, tous les niveaux qualitatifs, mais donc il y a moyen de trouver des vins rosés qui aient un peu de gueule. En supermarché, il y en a pas mal. Il faut se renseigner et vous en avez recensé pas mal sur votre site. Pas mal. Le guide d'achat des vins.be qu'on va afficher, bien entendu, dans quelques minutes. Je vais terminer par une petite phrase que j'ai découvert dans un article et je trouve assez amusante en comparaison avec le vin rouge. Le rosé, c'est le vin du dehors. On imagine d'emblée des paysages ensoleillés. Le rouge, c'est le vin du dedans. Ouais. On pense cave, on pense vieillissement en barrique. Voilà un petit peu les deux approches peut-être... concernant quand on est dehors, on retourne dedans. Les amis, et buvons du rosé. Soyons joyeux. On en a, là. Oui. À votre bonne santé, les amis. Carlo, on va trinquer. Santé. Patrick Fievé, on vous retrouve le mois prochain pour d'autres belles découvertes. Santé, Carlo. À suivre, les amis, la météo, les infos et transversales. Il y sera question du décret inscription. Bon, écoutez, il faut bien en parler. Oui, hein. Nous, on va rester au vin rosé et on se retrouve évidemment la semaine prochaine, les amis. Nous parlerons de la cuisine des fleurs et de quelques recettes de cuisine italienne absolument fabuleuses et inconnues. Je peux vous le dire et vous l'assurer. Merci à Laurent Nélissen qui réalisait cette émission. Un verre de vin rosé à la main, bien entendu. Les amis, soyez heureux. Profitez bien de ce week-end. Positif à l'écoute de la première. Ciao, ciao, ciao. La première.